A prison picture with Charles Bickford, Martin McLean, Georgie Stowe, Frankie Darrow, Warren Heimernett Pendleton, and the woman across the bay, Anne Dvorak. Le rallye culturel, ce sera le grand mot, mais enfin, si on veut faire une certaine image en tout cas personnelle, c'est clair que ça ne rentre pas dans les cadres des majors, etc. Donc forcément, ça c'est difficile.